Sois concentré au Seigneur. J'aimerais que tu parles au Seigneur ce matin. Ne sois pas distrait pendant ce moment. Dieu veut te faire du bien. À chacun son jour. À chacun son jour. Bien-aimé, à chacun son jour. Ne sois pas distrait ce matin. Dieu est un Dieu de grâce. Oh, merci Seigneur. À chacun son jour. Alléluia. Prie le Seigneur. Commence à prier. À chacun son jour, bien-aimé. Prie ton Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada. bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux commencer à témoigner sa fidélité? Est-ce que tu peux proclamer sa fidélité dans ta vie? Nous avons un Dieu fidèle, bien-aimé. Il nous dit, si les temps passés ont été couverts d'opprobre, les temps qui viennent seront couverts de gloire. Élève ta voix, prie pour ta vie. Oh, merci Seigneur. Commence à le bénir ce matin. Oh, sois élevé, Seigneur. Chapitre qui va nous bénir afin de louer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout avec nos Bibles? On va nous projeter le psaume 24. Nous allons le lire tous ensemble. Nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît. C'est une confession de foi. Nous allons le lire tous ensemble. 1, 2, 3. À l'Éternel et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sous les mers et affermi sous les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élevera jusqu'à son lieu saint? Lui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qu'il cherche ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ce verset 10. Est-ce que nous pouvons le reprendre? Reprenons un peu ce verset 10. 1, 2, 3. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Source féconde, est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Alléluia. Jusque-là, nous avons acclamé la présence de papa, la présence des anciens, la présence des serviteurs. Nous avons acclamé notre présence. Moi, je parlais du roi des gloires. Alléluia. Je parlais de celui qui enlève ta honte. Je parlais de celui qui essuie tes larmes. Je parlais de celui qui donne le mariage. Je parle de celui qui pardonne nos péchés. Je parle de celui qui nous revêt des habits de gloire. C'est lui le roi de gloire. Est-ce que nous pouvons exagérer avec les acclamations? Oh, gloire à Dieu ce matin. Le Dieu qui nous délivre. Le Dieu qui nous bénit. Acclame, acclame, acclame encore. Pendant que tu acclames, il fait son entrée. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui, mon frère et ma soeur, nous avons un roi puissant. Quel que soit ton problème, nous avons un roi puissant. Alléluia. Alléluia. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, je veux te chanter, Seigneur. Oh, Jésus est notre sauveur. Alléluia. Bien aimé, par moments nous oublions. Jésus est ton sauveur. Jésus est mon sauveur. Il n'y a qu'auprès de Jésus qu'il y a les fous, les malades, les problématiques. Tout ce monde-là, il n'y a que Jésus qui peut les recevoir. Alléluia. C'est pourquoi nous acclamons le Seigneur. C'est pourquoi nous célébrons le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. J'aimerais t'encourager ce matin. Toi qu'on a abandonné, toi qu'on a rejeté, toi qu'on a oublié, toi qu'on a dit c'est fini, auprès de Jésus, il y a une place pour toi. Jésus est notre sauveur. Alléluia. Alors nous voulons célébrer le Seigneur. Nous allons inviter notre chorale canon vocal. Pendant qu'ils avancent, nous acclamons le Seigneur. Ils vont nous donner un cantique. Nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. Ce matin, sois dans la joie. Célèbre ton Dieu. Alléluia. Que rien ne t'empêche. Et tu peux les encourager. Gloire à l'agneau. Gloire à notre Dieu. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si le lo, nazomo na te o. Si le lo, wo wo wo, ezoko mate o. Si le lo, nazomo na te o. Si le lo, wo wo wo, ezoko mate o. Si le lo. Oh, Christo ashia chaka mundu anasema veneza mwao je vous donnerai du repos yeso nitaji kumambo yetu yesu mambo yetu ni baga Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors nous voulons louer le Seigneur avec la grande chorale. J'aimerais inviter chacun de nous à se tenir debout pour louer le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie, qui va pousser les cris de joie? Somebody Je ne veux pas étancher la soif de quelqu'un, mais j'aimerais qu'on loue le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous donner ces cantiques-là? Frère Kaba, viens nous donner un peu ces cantiques. Bandugumi la peine d'être aussi pour Mungu. Alléluia. Mungu allait tout papoumsi. Mungu allait tout pâtir en goût. Mungu allait tout pâtir à opportunité à couvrir mon présence et à Bandugumina benda umusifu Mungu. Asema wakati tunasifu Mungu, utukufu yake nashuka. Mugonjwa anapona. Ula nakosewa anapata. Mina katala banyanganye furaha yako katika jina la Yesu. Alo mina benda tushimamia welu. Pika mbele mikono, pika mbele mikono. Utukufu kwa Mungu, utukufu kwa Mungu. Katika jina la Yesu. Aleluya. Ame bika maua, atakumisha nawe, ye Yesu amenisha ndege ndogo atakulisha na wewe amefika maua atakufika na wewe oh amenisha ndege ndogo amenisha ndege oh amefika maua atakufika na wewe oh ni baba wa wayatima na mume wa wajane oh ni baba wa wayatima na mume wa wajane oh ni baba wa wayatima Hallelujah. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi qui peut changer ta vie? Qui est ce roi qui peut te donner la solution à ton problème? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à l'adorer ce matin? Église, Dieu puissant. Nous voulons donner ces moments à Dieu. Qui est ce Dieu dans ta vie? Ceux du peuple qui le connaîtront agiront avec fermeté. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, Église? Si tu veux aller à genoux, tu peux aller à genoux. Si tu veux aller par terre, tu vas aller à terre. Nous voulons honorer ces moments bien-aimés. Nous voulons honorer notre Dieu, notre délivrance. Orabashandarabazike. Qui est ce roi de gloire dans ta vie? Qui est ce roi de gloire qui doit entrer dans ta vie ce matin? Lève ta voix, continue à adorer le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur, lève ta voix. Lève ta voix, continue à adorer le Seigneur. Endelea kupaza sauti yako. Adore-le. Mwabudu yu Bwana. Oh, adore-le. Le culte, c'est un moment d'adoration. Alléluia. C'est un moment de communion avec le Seigneur. Alléluia. C'est un moment de communion avec le Seigneur. Wakati usirika pamoja na Bwana. Est-ce que tu peux élever ta voix, continuer à bénir le Seigneur? Inua tena sauti yako mwabudu Bwana. Oh, alléluia. Oui, élève-le, élève-le. Endelea kumuinua tena. Souviens-toi de toutes les grâces de Dieu dans ta vie. Mungu sababu anakufanyia neema maisha yako. Souviens-toi des faveurs de Dieu dans ta vie. Na Mafaita mbalimbali anakutendea. Eleve ta voix. Sasa umuinue. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Père, nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois élevé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Bwana ni mwema kabisa. Il est merveilleux. Akika ni mwema kabisa. Mais avant d'écouter la parole, je voulais demander quelque chose. Arrangez-moi les instruments un peu. Je veux qu'on chante bien. Bolamu Elikebele. Qui peut nous chanter bien? Qui? Eric, prends le micro. J'aimerais qu'on chante bien ce cantique. Nataka tuimbe wimbo vizuri kabisa. Chacun ait le temps de penser aux bonnes choses de Dieu. Kila mtu apate kuwaza kwa vitu vizuri vile Mungu anamfanyia. La technique est de nous, voilà, technique est de nous arranger correctement les choses. Mtu saidie ko. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Souviens-toi de toutes les bontés de Dieu pour toi. Mboka kwanja wema yote Bwana alikufanyia. Et on nous chante bien ce cantique. Nous tuimbe wimbo vizuri. Chantons ensemble. Tuimbe wote pamoja. Sepela pona Yesu, beta mulolo bien. Dieu est en train de penser à toi. Il est vrai que dormir c'est un choix, mais se réveiller est une grâce de Dieu. Alléluia. Bola munayo, définition ya vie ngai. La beauté c'est le social de ma vie, Seigneur. O salanga nini, na pesa na yo nini. O salanga nini, na pesa na yo nini. O salanga nini, na pesa na yo nini. O salanga nini, na pesa na yo nini. O kenanga wapi, o lopalanga tope nini. Bola mweleki ya mingi, ya mbona beti mololo. Bola muna ya na vina ma, ya koko ma ya mbobi sika nini. Ya solo elenge beleo, ya kala ya moya matanga nana. Bola muu, na vina mai, bola mu elenge bele. Otrema, elenge bele boe. Na mote ma na mai, na kela sini bata na ma. Na manzela na koleka, elenge bele boe. Na kela sina yo, na mote mananga, ele kebele boe. Bola muna yo, definition ya vina ngai. Tes bontés, c'est l'essentiel de ma vie, Seigneur. O salanga nini, na pesa na yo nini. O salanga nini, na pesa na yo nini. O salanga nini, na pesa na yo nini. O kena nga wapi, o lopalanga tope nini. O kena nga wapi, o lopalanga tope nini. Bola mu eleki ya mingi, ya bona yembi na nsembo. Bola mu na yo na vina nga, na koko ma yango bisika nini. Ya solo eleke beleo, ya kala embo ya mote mananga. Acclamer le Seigneur pour ses grâces, pour ses bontés. Lève ta main là où tu es. Commence à le bénir. Il est merveilleux. Il est merveilleux. On ne sait même pas compter ses bontés. D'où nous venons. Hallelujah. D'où nous venons, Dieu. Oh, merci. Yes. Aujourd'hui, j'ai raison de t'élever. Alléluia. Oh, j'ai raison de te bénir, yes. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, alléluia. Jésus. Merci, Papa. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci. Oh, merci. Élève ta voix, continue à le bénir. Baza sauti yako, karibu na malombi. Merci. Oh, mais là, c'est quoi? Yahweh. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton amour, alléluia. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nous? Est-ce que tu peux acclamer correctement pour le Seigneur? Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Je suis content de voir quelques amis. Je suis content de voir le frère Ced. Serge. Que Dieu te bénisse. Mungu est-ce que tu peux t'élever? On va l'accueillir. Si mama kwa koto, on va l'accueillir dans la maison de Dieu. Mujumba ya que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'accompagne. Merci, tu peux te rasseoir. Onaweza kweka nanduku. Je suis content de te voir. Na furai tena kukuona. Ça fait du bien. J'ai aussi un ami et sa femme. Kuna rafiki mmoja na mke wake. Mama Sela, il peut se lever aussi. Na wasimame tena, tuweze kubasalimia. Kuna wale wote hapo sisi dalama. Atento wapokelee katika chumba ya Bwana. Oh merci. Asante Yesu. Je suis content. Na furahi kabisa. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Alléluia. Amen. Si vous êtes là, c'est votre première fois aussi. Na kama kumgeni katikati yetu mara kwa kwanza kuingia hapa. Ne vous faites pas des soucis. Apana kujizuiza kabisa. Là où vous êtes. Pale huko tu nyolosha mkono yako. Aussi qu'on vous accueille avant que je ne commence. Tunapenda kupokelea kabla kazi ianzishwe. C'est votre première fois d'être là. Mara yako ya kwanza unaingia pa kanisa. Okay. Nyolosha mkono yako. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza kupiga makofi kwa ajili ya Bwana. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Je sais que le Seigneur a une bonne parole pour vous. Ayo Bwana anakuwa neno nzuri kabisa kwa ajili yenu. Qui va vraiment changer votre vie. Hakika itabadilisha maisha yenu. Et j'aimerais être aussi bref que possible. Takuya kotena mfupi kabisa zaidi. Et pour qu'on ait un peu de temps dans la prière. Ili tuwe kuna muda kwa ajili ya maombi. Bon, j'avais souhaité seulement peut-être lire le verset et puis nous prions. Nilipenda tu nilitamani tunasoma tukisha tunaomba. Mais pour que nous puissions prier, il faut peut-être avoir la même compréhension. Ili tupate kuomba vizuri sherti tuwe na usikilivu vizuri. Je vais expliquer, je crois, assez brièvement. Tafasiri yako kidogo na kwa ufupi. Pour que nous puissions prier. Ili tuingie katika maombi. Selon tout ce que Dieu m'a mis à cœur. Kadiria yote le Bwana aliweka moyoni mwangu. Romains chapitre 4 verset 17. Wa Roma sura yake ya 4 mstari wa 10. Na saba. C'est à partir de là que Dieu nous a donné le thème de ce matin. Itangia pale, tuliweza kupokea shina ingine idoko tena ya subuhi ya leo. Romains chapitre 4 verset 17b. Bon, je vais lire tout le verset 17, il n'y a pas de souci. La Bible nous dit, Biblia inasema, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Nilikutunga kama baba wa hesabu kubwa kabisa katika mataifa. Il parle d'Abraham. Yako nasema na Ibrahim. Il est notre père devant celui auquel il a cru. C'est la suite qui nous intéresse. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Amen. Donc Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Mungu anaita vitu vile havikuwako. Comme si ces choses existaient. Kama vile vilikuwa utangia zamani. Et ces choses commencent à exister. Na vile vitu vinaanza kuonekana. Oh, je prie ce matin dans ta vie. Basi naomba kabisa tena asubuhi ya leo. Il y a des choses qui n'existent pas encore. Kuko vitu vingine bile havikuwako bado. Mais aujourd'hui, alakini leo leo, Dieu, quand il les appelle à l'existence, Mungu anaweza kuviita vionekane, ces choses commenceront à exister. Na ile vitu vitakuwako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a poussé à réfléchir. Nilisukuma zaidi nipate kufikiria mingi. Et j'ai pu dégager une vérité. Na katikati ya ile nilitosa kwa ukweli mmoja. Ou un principe. Wala kanuni mmoja. Qui va nous permettre de marcher pendant la semaine qui commence. Taturuhusu tusonge mbele kadiri ya Ijuma itaanzishwa. Avant que je ne donne le sous-thème. Kabla nilete shina ndogo. Voici une vérité que j'ai pu dégager. Tazama kwanza hii ukweli natakutosha. L'homme tient compte des circonstances quand il parle. Mtu wakati anasema akoangalia majira mingi zaidi. Quand l'homme parle, wakati mtu anasema, il tient compte des circonstances. Akonatumania zaidi kwa ajili ya majira. Il tient compte de la conjoncture. Hata nakufuata wakati ya sasa. Mais les circonstances, ça c'est il majira, tiennent compte de la parole de Dieu. Na yotena ikuna tegamia juu neno la Mungu. Alléluia. Amen. L'homme regarde aux circonstances quand il parle. Mtu wakati anasema anaangalia majira mbalimbali. Quand il promet, wakati analaka. Quand il se réveille le matin, wakati anaamuka asubuhi na mapema. Il regarde les circonstances de sa vie. Anaangalia kwa majira ya maisha yake. Pour avancer, ili asonge mbele. Il regarde la conjoncture de la journée. Anaangalia maisha ile leo vile itaanzishwa. La conjoncture économique. Anaangalia na uchumi vile iko. Il regarde les circonstances de son pays. Anaangalia jina ya nchi yake. Quand il veut parler, wakati anapenda kusema. Oh bien-aimé, oh mpendwa, ça c'est l'homme. Hii ni hali ya mtu. Mais quand Dieu parle, sasa wakati Mungu anasema, les circonstances s'alignent. Majira yote inafuata. Hata utumbi yote inafuata. Mahali yote mbalimbali inafuata nyuma yake. Alléluia. Amen. Deux façons de faire. Haina mbili ya kuweza kutenda. L'homme pour faire. Mtu kabla atende. Il regarde les circonstances. Anaangalia kwanza kwenye majira. Mais Dieu fait. Yeye Mungu anatenda. Les circonstances s'alignent. Sasa majira inamfuata nyuma yake. Oh, je prie ce matin. Basi naomba Mungu asubuhi leo. Quelle que soit ta situation. Ingawa aina ya mambo yako. La parole de Dieu. Neno lake Mungu. Fera aligner les situations de. Ita ikisha bintu inafuata nyuma yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le sous-thème que Dieu m'a donné ce matin. Kishina ndoko le Mungu alipatia asubuhi ya leo. Avec tes impossibilités. Na ile manamo na yako sipo kupata. Dieu va créer des possibilités. Mungu ataumba kuvitu vipate kuonekana. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Angalia pembeni yako. Ou ta voisine. Aule pembeni yako ni mama ni mume. Souvent quand je suis avec mon épouse, on dit parle à ton voisin, je lui parle pas. Il me dit mais tu m'as pas parlé, toi tu es ma voisine. Alléluia. Amen. OK, regarde à ton voisin ou à ta voisine. Sasa angalia na ule pembeni yako. Dis-lui. Mwambie. Avec tes impossibilités. Na ile namna yako sipo kupata kitu. Dieu va créer des possibilités. Yeye Mungu ataweka kumaombaji yote. Va créer des possibilités. Ataweka kwa namna yote vitu vionekane. Avec tes impossibilités. Na namna yako ile wewe unashinda. Oh, j'aime le Seigneur. Nampenda Bwana kabisa. J'aime le Seigneur. Nampenda kika Bwana. À un moment donné dans la vie. Wakati moja fulani katika maisha. Plusieurs situations d'impossibilité se présentent devant nous. Haina mingi mbalimbali na kutokupata namna inajionekanisha mbele ya uso wetu. Il y a certaines situations dans la vie. Kuna kwamba haina nyingine fulani maisha yetu. Quand tu les regardes, ukiangalia vizuri, c'est impossible de les résoudre. Utaona kama habitawezekana kupata jibu. Soit tu abandonnes, wala unabiacha, soit ça te stresse. Wala inaupatia hoga na haya. Soit ça change, ça dénature ta vie. Wala inabadilika, inaharibisha maisha yako. Alléluia. Il y a ce qu'on voit. Il y a ce qu'on vit. Il y a même des situations impossibles qu'on sent dans le corps. Il y a même des situations qu'on rencontre dans la vie. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a une solution. Oh, mais laisse-moi te dire ce matin. C'est comme ça que je voulais avoir un peu de temps pour la prière. Qu'au milieu de nos choses impossibles, Dieu a toujours des choses possibles à faire. Alléluia. Alléluia. Il peut tracer les chemins même là où il n'y a pas de chemin. Même là où l'homme, personne n'a imaginé qu'il peut y avoir un chemin. Oh bien-aimé, ce matin, en fait, ma prière enlève tout doute. Enlève tout doute dans ta vie. C'est des jours où ton miracle arrive. Enlève tout doute. Pour toi, c'est impossible. Mais aujourd'hui, Dieu va les rendre possibles. Alléluia. Ce que tu vois, Dieu a déjà vu. Ce que tu vis, Dieu n'est pas étranger. Ce que tu sens en toi, c'est lui qui a créé le corps. Ce que tu rencontres sur le chemin, il t'a devancé sur le chemin. Oh, ma prière ce matin, je veux que quelqu'un en quittant ces lieux, les choses qui étaient impossibles, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit oui, dans ces choses-là, Seigneur, il y a même des maladies impossibles. Mais aujourd'hui, là, Dieu va les guérir au nom de Jésus. Il y a même des endroits où tu sais, c'est impossible d'y arriver. Oh, je comprends Israël. Devant la mer, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de pleurer. Mais ils ne savaient pas. Personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait déchirer la mer comme un papier. À un niveau donné, on déchire la mer. La mer crée un couloir. Comme si ça ne suffit pas. Ils n'ont pas marché dans la boue. La mer s'arrête de part et d'autre. Et ça devient sec là où ils marchent. Je m'imagine si j'étais là. Je pouvais essayer de toucher. Boire et me laver. Et continuer ma marche. Oh, je comprends. Quand ils ont traversé Myriam ou Marie, si vous voulez, a explosé de joie. C'était inimaginable. Même Pharaon ne savait pas qu'il y avait un chemin. Mais il y a des endroits par où tu vas passer. Même tes ennemis autour de toi, personne ne pouvait imaginer que tu passerais par là. Alléluia. Alléluia. Avec nos impossibilités, Dieu crée des possibilités. Oh, je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis Dieu pour les choses qu'il fait. Alors, je vais donner deux exemples et puis on va prier. J'ai senti ce matin qu'il faut qu'on prie. Juges chapitre 36. Non, Juges chapitre 6. versets 36 à 40. Juge chapitre 6. Parce que nous parlons de Gédéon pendant toute l'année. Voilà. On a pris l'exemple de Gédéon. Juge chapitre 6, verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, vous pouvez souligner si tu veux. Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, Gédéon veut prendre Dieu au mot. Dieu, tu as dit. Dieu, tu as parlé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit? Alors, Gédéon dit à Dieu, si c'est vrai ce que toi, Dieu, tu as dit, alors, il y a des choses que je vais te demander. Je vais voir si tu fais ces choses impossibles. Alors, je croirai que tu feras ce que tu m'as dit. Oh bien-aimé, le Seigneur, il fera dans ta vie ce qu'il t'a promis. Il fera dans ta vie ce qu'il a dit. Même ce qu'il a dit dans sa parole, Dieu le fera. Il a dit qu'il est le Dieu qui guérit, il guérira. Il a dit qu'il est le Dieu qui bénit, il bénira. Il a dit qu'il est le Dieu qui pardonne, il pardonnera. Ce que Dieu a dit, il le fera comme il l'a dit. Alléluia. Alléluia. Quel est ton problème ce matin? Tu te bats avec quelque chose. Une situation que tu vis. Il y en a qui se battent avec des situations qu'ils rencontrent dans leur vie. Ils se battent comme Gédéon avec les ennemis qu'ils rencontrent dans leur vie. Ils se battent avec des choses qu'ils voient. Et il fixe les limites de sa vie par rapport à ce qu'il voit. Oh bien-aimé, si tu fixes ta vie seulement par rapport à ce que tu vois, tu seras le plus malheureux de cette terre. Parce que la résidence de Dieu n'est pas à Likasi. La résidence de Dieu n'est pas au Katanga seulement. La résidence de Dieu n'est pas au Congo. La résidence de Dieu n'est même pas aux États-Unis. La résidence de Dieu n'est pas en Chine. Alléluia. Alléluia. Parfois, j'entendais qu'on était des enfants. Chikumitenda. Moi, Méric. Apana. Chikumitenda, Mouchine. Apana. Non, non. La Chine, ce n'est pas le ciel. L'Amérique, ce n'est pas le ciel. Alléluia. Tu ne peux pas fixer tes yeux seulement sur ce que tu vois. Même le président de l'Amérique, il va se promener. Le président de la Chine va se promener. C'est-à-dire que leurs yeux n'est pas seulement lié à ce qu'ils voient. Oh, bien-aimé, je te prie ce matin, enlève tout doute. Ce que tu vois ne doit pas bloquer ta vie. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? Oh, il y a un Dieu bien-aimé. Il y a un Dieu. Gédéon dit à Dieu, le verset 37. Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve. Écoutez ce que Gédéon dit à Dieu, je voulais faire une épreuve avec toi. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Bien-aimés, certaines choses que nous pouvons retenir. Dieu envoie Gédéon. Il dit, Gédéon, va combattre Madian. Gédéon regarde le nombre des Madian, des ennemis. Le nombre est très élevé. La Bible dit, c'est comme une multitude de sauterelles. Mais en même temps, Dieu lui dit, réduis le nombre de tes militaires. Gédéon obéit quand même. 32 000 personnes. Il réduit 22 000. Dieu lui dit, non, les 10 000 qui restent, c'est encore trop. Nous l'avons dit la fois passée. La victoire dans nos vies n'est pas fonction de nos moyens. Beaucoup de gens, nous nous trompons. Nous pensons que nos moyens vont résoudre tous les problèmes de notre vie. Vous comptez sur les moyens. Non, bien-aimés, comptons sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les moyens peuvent sécher. Et l'ennemi, généralement, il s'attaque à nos moyens. Si ton corps n'est pas attaché à Dieu, ça sera difficile d'avancer. C'est pourquoi cache ton trésor à un bon endroit. Là où la rouille, là où les voleurs ne peuvent venir voler. Alléluia. Job, dans Job chapitre 1er, en un jour, la maison, les brebis, les chevaux, les enfants et lui-même, ils se sont retrouvés nuls. Alléluia. De 32 000, Dieu enlève 22 000. Il regarde dans les 10 000 qui restent. Il dit à Gédéon, non, c'est trop encore. Tu dois en éliminer. Parfois, nous ne savons pas comment éliminer certaines choses de nos vies. Dieu nous aide à les éliminer. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Parfois, il y a des choses dans la vie. Nous continuons à nous battre jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai appris à faire confiance au Seigneur. Que tôt ou tard, ce qui n'est pas de Dieu partira. Aussi longtemps que tu restes attaché au Seigneur. Alléluia. Il dit, tu les amènes à la rivière. Tu leur demandes de boire. Ceux qui vont boire normalement, vous savez, parfois, pour avancer avec Dieu, il faut faire des choses qui ne sont pas normales aux yeux des hommes ou dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier d'une façon exceptionnelle. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ils arrivent à la rivière. Les gens doivent boire de l'eau. Il y en a qui s'assaient carrément dans l'eau. Il y en a qui ont même demandé tout mon copo pour boire. Mais je me demande comment il y en a qui ont lapé l'eau. Il y avait déjà le choix de Dieu sur eux. Ils vont, ils lapent l'eau comme les chiens. Dieu dit, voilà, ça ce sont ces gens qui vont m'aider à résoudre le problème. De 32 000, Dieu récupère 300. 32 000 divisé par 10, ça fait 3 200. 3 200 divisé par 10, ça fait 320. Donc Dieu récupère même le moins du centième. Imaginez-vous le général Gédéon. Avec moins du centième de l'armée. Oh, il y en a qui se demandent, est-ce qu'avec mes moyens, je peux faire face à certaines situations de la vie? Oui, il y a une bonne nouvelle ce matin. Avec tes moyens que tu as, avec les moyens que Dieu t'a donnés, tu feras face à toutes les situations de ta vie, à tous les ennemis de ta vie. Que ton cœur reste confiant au Seigneur. Alléluia. Moins du centième. L'armée de Gédéon. Alors Gédéon dit à Dieu, il y a un problème. Si vraiment c'est toi, toi aussi tu dois me résoudre ces choses. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je prends une toison. Supposez que c'est une toison ici. Il dit, j'ai mis ma toison par terre. La nuit. Je veux seulement trouver l'eau sur ma toison. Que tout le reste soit sec. Pour Gédéon, pour nous tous ici, fais l'expérience. Arrive chez toi la nuit, laisse le pain ou ton habit dehors. Le lendemain, l'habit sera mouillé de la rosée. Mais Gédéon dit à Dieu, non, c'est que moi je te demande, tout le reste ici reste sec. Seulement la toison qui doit être mouillée, il va dormir. Quand il vient le matin, oh, j'aime le Seigneur. Mais il y a des moments dans la vie, dans la famille, Dieu peut te bénir toi seul et laisser tous les gens de ta famille comme ça. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait qui sont impossibles à nos yeux. Le lendemain, Gédéon vient. Il prend la toison qui est trempée. Il presse la rosée qui remplit la coupe. On n'a pas le temps parce que je souhaitais qu'on prie. Si vous rentrez dans le psaume 23, David, je crois, le verset 5, il dit, tu induis ma tête en face de mes ennemis et ma coupe déborde. Donc, au milieu de tous les ennemis, Dieu a choisi une seule coupe. La coupe de David. Oh, bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, ce matin, au milieu de toute ta famille, au milieu de l'église, au milieu de là où tu es, Dieu choisira seulement ta coupe. Alléluia. Les autres coupes peuvent rester vides. Comme ils étaient à table, c'est qu'il y avait des coupes pour tout le monde. Mais Dieu a choisi de remplir seulement la coupe de David. Oh bien-aimé, le Dieu qui a choisi seulement la toison, qu'elle soit mouillée de la rosée, symbole de l'esprit ou symbole de la bénédiction, je prie le Seigneur ce matin qu'il te choisisse toi. Alléluia. Dieu va choisir quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va choisir quelqu'un. Ça te paraît impossible. Impossible. Difficile. Tu regardes, tu dis non, ça ne peut pas se faire. Gédéon a dit à Dieu ce qui ne peut pas se faire. Il a changé toutes les facettes. Il a dit non, Dieu, je change. Je vais faire une épreuve avec toi. C'est un examen. Oh bien-aimé, la parole de Dieu a été éprouvée, a été examinée, et on a trouvé qu'elle est digne de confiance. Il dit à Gédéon, Gédéon dit à Dieu, non, je change. Oh bien-aimé, quelle que soit la forme que l'impossibilité peut prendre dans ta vie, Dieu aura toujours une solution. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, quelle que soit la forme des impossibilités dans ta vie, auprès de Dieu, il y a toujours une solution. Il dit à Dieu, non, non, tu as réussi. La toison était mouillée. Maintenant, je vais changer. Que la toison seule reste sèche. Que tout le reste soit mouillé. Il change. Oh, bien-aimé, on ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. Même si l'ennemi te met à l'épreuve, pour te surprendre dans une impossibilité, ah, ce matin, ton Dieu a toujours une solution. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu a une solution à ce qui paraît impossible dans ta vie. Alléluia. Il change. Il va dormir. Quand il se réveille le matin, il trouve que la toison seule est restée sèche. Tout le reste était mouillé. Gédéon n'avait plus de choix à faire. Il dit, non Seigneur, je crois. Ce que tu as dit, je vais le faire. Je vais le faire. Mais ce que Dieu a dit, il va le faire. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a dit pour ta vie, il va le faire aujourd'hui. Ce que Dieu a promis pour toi, il va le faire aujourd'hui. Ce que Dieu a déclaré, il va le faire comme il a déclaré. Alléluia. Je prends un deuxième exemple. On va prier. Matthieu chapitre 14. Je pense à partir du verset 25 ou 26. Matthieu chapitre 14, j'explique seulement l'histoire. Jésus demande à ses disciples de traverser, d'aller à l'autre bord. Pendant qu'ils sont dans la barque en train de traverser, une grande tempête s'élève. La Bible nous dit, à la quatrième veille de la nuit, la barque était au milieu de la mer et battue par les flots, car le vent était contraire. Le vent était contraire. Vous savez, la Bible n'écrit rien pour rien. Le vent était contraire à la marche, à la destinée. Généralement dans la vie, sur son chemin, tu trouveras toujours des vents contraires. Tu trouveras toujours des vents contraires. Mais ça ne signifie pas que tu ne vas pas arriver. Oh, je dis à quelqu'un ce matin qui vit des événements contraires. Où il a l'impression que le vent est contraire à sa marche. Ça ne signifie pas que tu ne vas pas arriver. Le vent était contraire. Mais quand il lève les yeux, il voit Jésus-Christ en train de marcher. Pendant que les vents sont contraires, Jésus marche. Pendant que les vents sont contraires, pendant que les événements sont contraires, pendant que les situations sont contraires dans ta vie, Dieu est debout. Dieu marche au milieu de ces vents. Dieu marche au milieu de ces événements. Mais quand les hommes regardent, les vents sont contraires. Ils ne savent pas avancer. Ils s'arrêtent. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle. Au milieu des événements contraires, au milieu des vents contraires, nous avons un Dieu qui marche même quand les choses sont contraires. Alléluia. Alors Pierre regarde. Il dit la même chose. Il dit, Seigneur, si c'est toi, comprends que si tu es Dieu, tu as tellement de situations difficiles. Nous avons tellement de situations difficiles. Pierre regarde. Il dit que c'est un fantôme. Jésus dit non, je ne suis pas un fantôme. C'est moi. Ah, Pierre dit, ok. Si c'est toi, Jésus. Si c'est le Dieu que nous connaissons. Si c'est le Dieu en qui j'ai cru. Bien-aimé, il arrive toujours un moment donné dans la vie. Tu te dis, Kamaniweye mu. Oh, mina pendo foye ma ombileo. Kamaniweye mungu. Kamaniweye. Je veux marcher. Le vent est contraire. Pierre veut marcher. Et puis il veut marcher sur l'eau. C'est-à-dire que sur un endroit inapproprié pour les humains. Oh bien-aimé, si Dieu doit faire seulement ce que les hommes font, quelle garantie il nous donne quand l'enlèvement nous montrera au ciel? Que ce jour-là, avec mon corps, je vais monter au ciel. Il y a des gens qui doivent vivre même dans des conditions inappropriées. Il y a des gens, même si on n'a pas prévu pour toi, pour marcher à cet endroit, pour vivre dans ces conditions-là. Oh, ma prière ce matin est que tu vives dans ces conditions. Je me rappelle de quelque chose. Ça, je pense qu'on peut lire. 2 Rois chapitre 20, verset 8. Verset 8 à 11. Nous lisons et puis nous allons prier. 2 Rois chapitre 20. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est pas comme tous les jours. Awamini Mungu tu bia buli. Awamini Mungu tu ando kufanya pravile bantu manafanyaka. Il y a des gens abamini Mungu. Manenda kopita lo bana mutunza. Il y a des gens chamini Mungu. Mais on n'a pas ta makuta. Avoir l'argent n'est pas synonyme à quoi, à quoi mini Mungu. Mais ce que Jésus est en train de dire, il y a probablement des conditions inappropriées. Mouma Ishaya. Je ne sais pas si tu es dans ce cas-là ce matin. Écoutez ce que Ézéchias dit. Ézéchias dit à Esaïe. À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Comment je saurais que c'est vraiment Dieu est capable de me guérir? C'est pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment, il faut que Dieu fasse quelque chose d'impossible dans ta vie. Nous avons besoin de témoignages. D'ici la Pentecôte, d'ici le 8 juin, ce qui est impossible, ce qui était impossible hier, ce qui est impossible aujourd'hui, ma prière ce matin, que Dieu fasse un miracle pour toi. Verset 9. Esaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. C'est le prophète Esaïe. C'est parmi les grands prophètes de la Bible, que vous étiez la théologie ou pas, mais c'est parmi les grands prophètes. Voici le signe de la part de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu donne un signe. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? On pose la question à Ézéchias. Regardez la réponse d'Ézéchias. Ézéchias dit, j'ai aimé la témérité de ce monsieur. La témérité. La témérité. Il dit, non. C'est peu de choses. Pour que l'ombre avance. De toute façon, l'ombre avance toujours. N'est-ce pas? L'ombre avance toujours. Ça, c'est ce qui est normal. Il dit non, non. Bien normal, mina mungu apane. Mina pena bien biko normal. Donc, journée gounenda. Mais l'ombre est en train de reculer. Hey! Oh, je prie le Seigneur. Ce matin, mungu atako fanisi akile kintu. Jusque là. Qui croit anormal mon maïsa yako. Qui croit anormal padunia. Mais asubuya leo. Mungwe kotayari. Dieu veut faire. Dans la vie de quelqu'un. Ézéchias dit c'est peu de choses. Dieu. C'est peu de choses. Que je prenne la quinine. Et que je sois guéri de la malaria. Ça c'est peu de choses non? Maintenant, ce que je te demande, sans quinine aujourd'hui, ne toque pas que ton ziwa. Oh, alléluia, acclame d'abord pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Ce que je demande à Dieu aujourd'hui, ce que je demande à Dieu aujourd'hui, sans connaissance, sans un parrain, que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Sans un parrain, que Dieu fasse grâce dans ma vie. Sans diplôme d'État. Que Dieu me donne du travail. C'est ce que je demande aujourd'hui. Oh bien-aimé, il y a des choses que tu peux vivre dans ta vie que personne ne les a déjà vécues. Ce matin, c'est peu de choses que les hommes parlent pour toi. Dieu va parler pour toi. C'est peu de choses que tu es à l'hôpital. Dieu va te guérir. C'est peu de choses que tu es l'argent. Dieu va pourvoir à tes besoins. Aujourd'hui, ce qui est impossible, Dieu va les rendre possibles. Oh, Dieu va les rendre possibles. Dieu va les rendre possibles. C'est ce Dieu-là que nous prions. C'est ce Dieu-là que nous cherchons. On trouve un aveugle de naissance. Il dit ceci dans Jean chapitre 9. Il dit ceci: jamais on n'a entendu que quelqu'un qui est né aveugle, on lui a ouvert les yeux. Frères et sœurs, je prie le Seigneur aujourd'hui, tous les jamais de ta vie, tous les jamais de ta vie, partout tu as dit jamais, partout tu as entendu jamais, aujourd'hui, aujourd'hui, tu verras, ça sera possible, ça sera possible. Parce que dans le ciel, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui parle. Il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu vivant. Tiens-toi debout, lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. C'est peu de choses. Nous voulons voir l'impossible aujourd'hui. Nous voulons voir l'impossible aujourd'hui. Nous voulons voir l'impossible aujourd'hui. Nous voulons voir l'impossible aujourd'hui. Je vais demander aux instrumentistes. On nous chante pas comme bon son. Vous nous chantez ça. Bien aimé, j'aimerais qu'on prie pendant un petit moment. Je sais que c'est dimanche. Mais ma prière ce matin, je disais à Dieu, il y a des choses impossibles. Regarde bien ta vie. Pas la vie de quelqu'un d'autre. Regarde bien ta vie. Aujourd'hui, il y a des choses impossibles. Le Seigneur va faire grâce. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains. Oh, il est présent ce matin. Il est présent ce matin. Il est présent ce matin. Il est présent ce matin. L'homme regarde aux circonstances. L'homme regarde aux situations de sa vie. Mais Dieu n'a pas besoin des situations. Dieu a besoin de sa parole. Il dit à Pierre, avance. Et Pierre a marché sur l'eau. Oh, bien-aimé, aujourd'hui tu vas marcher. Même à des endroits inappropriés, tu vas y arriver. C'était prévu pour que les poissons marchent sur l'eau, pas les hommes. On n'a pas prévu que toi tu marches à cet endroit. On n'a pas prévu que tu occupes ce poste-là. On n'a pas prévu que tu sois guéri. On n'a pas prévu. Mais Dieu, ce matin, il y a un miracle. Il y a un miracle. Il y a un miracle. Allez, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh, le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant ce matin. Tu es puissant. Je te connais puissant. Je te connais puissant. Je te connais. Oh bien, mais nous avons un Dieu de miracles. Enlève tout doute ce matin. Ce que tu vois, Dieu peut le changer. Ce que tu vis, Dieu a une solution. Ce que tu sens dans ton corps maintenant, Dieu a une solution. C'est peu de choses d'aller au scanner. Tout le monde fait ça. Watu wanafanya hivyo. Ce n'est pas nécessaire qu'il prie. Haina ya maana kabisa apate kuomba. Mais quand c'est Dieu. Sasa wakati kama ni Mungu. Scanner ou pas scanner, scanner au hapana. Ganga hapana. Sasa uwezo yake Mungu iko pale. La puissance de Dieu est dans la salle. Uwezo ya Mungu iko pahali hapa. Il est capable. Iko na uwezo. C'est rien ce que tu rencontres sur ton chemin. Ce que tu rencontres dans ta vie. C'est rien. Quand il a vu que Dieu est capable de résoudre des choses impossibles. Il a donné gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux t'encourager ce matin. Dieu est capable de résoudre des choses impossibles dans ta vie. Oh, cet aveugle n'est dit, jamais on a entendu quelque part. Je prie le Seigneur ce matin qu'il fasse pour toi les choses dont tu n'as jamais entendu parler. Les choses dont ta famille n'a jamais entendu parler. Il y a des choses qui ne sont jamais arrivées dans votre famille. Il y a des choses qui ne sont jamais arrivées à l'Ikasi. Il y a des choses qui ne sont jamais arrivées dans cette église. Il y a des choses qui ne sont jamais arrivées là où tu travailles. Ça, c'est les hommes. Hali ya watu. Aujourd'hui. Lakini leo. Aujourd'hui. Leo leo. Dieu est là. Mungu yuko hapa. Il est là. Yuko hapa. Pierre a dit à Jésus. Pierre amwambia si Yesu. Si c'est toi. Kama hakika ni wewe. Oh bien-aimé. Pendwa. Dis à Dieu. Mwambie Mungu. Si c'est toi. Kama ni wewe. Je veux marcher. Nitembee. Je veux aller. Là où c'est impossible. Pale, kule là où c'est impossible. On avait vu ça. Uliona ile. Un de nos anciens thèmes. Dans Esaïe 42 verset 19. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, même dans le désert, je peux tracer. La Bible nous dit quelque part, on ne voit pas la trace de quelque chose qui passe sur la mer. Mais quand Dieu passe sur la mer, il reste des traces. Dieu va faire des choses ce matin. Mais ma prière, ce que je disais à Dieu depuis la nuit et le matin, aujourd'hui, ce qui était impossible dans nos vies, aujourd'hui, c'est le jour où les choses impossibles seront possibles. Dieu va tracer des choses possibles. Vitu vile vile vile des choses impossibles. Lève ta main droite là-haut. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Alléluia. Lève ta main droite. Alléluia. Lève ta main droite. Alléluia. Lève ta main droite. Santé Yes. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Ce matin. Ce matin. Tout ce qui était impossible. Tout ce qui était impossible. Tout ce que je n'avais jamais vu. Tout ce que je n'avais jamais vu. Les endroits qui ne m'étaient pas appropriés. Les endroits qui ne m'étaient pas appropriés. Qui ne m'étaient pas destinés. Qui ne m'étaient pas destinés. Ce matin. Oh, ce matin. Il a peine à connaître mon corps. Il a peine à connaître mon corps. Il a peine à connaître mon corps. Il a peine à connaître mon corps. Apana batubintu tuloko. Apana batubintu kidoko. Apana. Apana. Il a peine à connaître mon corps. Il a peine à connaître mon corps. Vous faites bintu bikubwa. Vous faites bintu bikubwa. Au nom de. Au nom de Jésus. Au nom de. Au nom de Jésus. Et toi, commence à prier maintenant. Commence à prier. Je vais faire de grandes choses maintenant. Mais élève ta voix, monte à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta voix, commence à prier. va commencer à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Il est là. Il est là. Il est là. Il est capable. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me prie. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est capable. Ce qui était impossible. Ce qui était impossible. Ce matin. Ce matin. Oh Dieu. Oh Dieu, agis. Agis, Seigneur. Ce qui était impossible. Ce qui était impossible. Ce qui était impossible. Dans la vie de tes enfants. Je prie ce matin. Au nom de Jésus. Agis. Agis. Que les malades soient guéris. Que les gens qui ont des problèmes trouvent la solution. Parce que toi, Dieu, tu es là. Parce que toi, Dieu, tu es là. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Je me prie, le Seigneur. Continue à prier maintenant. Oui, monte en prière. Monte en prière. Oui, le Seigneur est là ce matin. Les choses impossibles, les choses impossibles, les choses impossibles, les choses impossibles de nos vies. Aujourd'hui, aujourd'hui les 18, c'est le possible, possible. Je veux les voir dans nos vies, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans la vie de l'Église, dans la vie de la famille, dans la vie des frères et des sœurs. Je prie au nom de Jésus. Oh, ce matin, je veux voir, je veux voir, je veux voir ces choses-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux le voir. Je veux le voir ce matin. Je veux le voir ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux voir ces choses. Je veux voir ces choses. Je veux voir ces choses. Je veux voir ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux voir ces choses. Je veux les voir. Que les malades soient guéris ce matin. Que les gens soient des problèmes. Trouve la solution. Oh là, c'était inapproprié. Jésus. Que ça soit approprié. Approprié. Approprié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, il veut faire quelque chose ce matin. Il veut faire quelque chose ce matin. Alléluia. Oh, monte encore en prière, bien-aimé. Ce matin. tu es là ce matin, tu trouves que ça c'est impossible. Approche-toi, je veux seulement confirmer. Je veux seulement confirmer ta prière. Comme Élie a confirmé pour Anne. Après seulement, je veux confirmer ta prière. Et que l'Éternel est Dieu. Qui est en ces lieux. Puisse te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Oui, nous avons nos yeux fermés. Approchez-vous, maman. Oui, merci. Que Dieu mama, vous bénisse. Caribienne. C'est Jésus qui change les choses. C'est Jésus qui change les choses. C'est Jésus qui change les choses. Il est là. Il est là. C'est Jésus qui change les choses. Des choses impossibles. Aujourd'hui, aujourd'hui là, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Ce que je sais, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Bien-aimé, il y a un Dieu. Il ne fait pas ce que les hommes font toujours. Les hommes font ce qu'ils ont trouvé dans leurs études. Mais nous avons un Dieu qui n'a pas étudié à l'université des hommes. Ce Dieu-là, aujourd'hui, veut faire quelque chose pour toi. Il veut faire quelque chose pour toi. Oui, lever les mains parce que je sens qu'il y a une forte présence de l'Esprit. Et même disant que Dieu va toucher avant que je les touche. Levez les mains, vous qui êtes ici devant. Même si vous êtes derrière, vous avez un problème, il n'y a pas de souci. Dieu existe, il travaille partout. Levez les mains, je vais seulement prier pour vous. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Parce que ta parole ne sort pas et rentre sans accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Je prie ce matin pour les bien-aimés qui sont là. Je prie pour eux. Ils voient des choses impossibles, des circonstances et situations difficiles. Pendant que je parle, quelque chose me dit dans mon cœur, même si tu es malade, cette maladie ne peut pas te tuer. Dieu n'a pas dit que la maladie c'est pour te tuer. Tu vivras malgré ta maladie. Tu vivras malgré ta maladie. Tu vas vivre. Et au moment venu, Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour tes serviteurs. Je le recommande à ta grâce. Je libère la puissance du Saint-Esprit sur chacun d'eux. Au nom de Jésus, les choses qui paraissaient impossibles. Impossible, c'est le mot des hommes. Impossible, c'est ce que l'homme a déclaré. Mais ce matin, moi, je déclare de la part de l'Éternel, toutes les situations deviennent possibles dans votre vie. Au nom de Jésus, dans votre corps, dans votre maison, dans votre famille, dans votre ministère, dans tout ce que vous avez, au nom de Jésus, je déclare ce matin que les choses sont possibles au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Maintenant là, qu'il y ait des témoignages de ta part. Parce que tu vas accomplir des grandes choses. Et tu vas faire des grandes choses. Je le recommande à ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous pouvez rentrer à votre place. Bien-aimé, remercie le Seigneur à qui tu es. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Oh, merci Jésus. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes les choses. Décidé enfin que mes soucis disparaissent. Acclamer le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu pour la parole de ce matin. Que nos impossibilités changent en possibilités au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons passer aux offrandes. Nous allons lire un verset avant de donner les offrandes. Colossiens chapitre 3, versets 23-24. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Amen. Que nos cœurs soient attachés au Seigneur pendant que nous servons. Ne servons pas le Seigneur, ne donnons pas les offrandes pour que les gens se réjouissent de ce que nous faisons, mais que Christ qui nous donne se réjouisse de ce que nous faisons en sa présence. Alléluia. Alors nous prenons nos offrandes, nous prions pour nos offrandes et nous donnons avec joie au nom de Jésus-Christ. Amen. La chorale nous donne un cantique. inclinons nos têtes, nous prions pour les offrandes. Éternel Dieu des grâces, voici nous venons te remettre ces offrandes, fruits de ce que tu as remis entre nos mains. Daigne bénir chacun de nous. Laisse que ces offrandes puissent servir à l'avancement de ton œuvre. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos offrandes que nous avons offertes? Gloire à Dieu. Nous voulons passer au communiqué. Si c'est votre premier jour de venir prier avec nous dans cette église, nous vous prions de lever votre main, nous voulons vous accueillir. Si c'est votre premier jour de venir dans cette église, vous êtes là, maman, papa, frères et sœurs. Gloire à Dieu, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous allons donner les programmes des cultes en semaine. De lundi à vendredi, nous avons prière matinale à partir de 6 heures. Lundi à 16h30, rencontre en secteur. Mercredi de 16h30, à partir de 16h30, nous avons notre culte d'enseignement et prière. Jeudi à 15h, culte des mamans. Vendredi à 16h30, culte de jeûne et prière. Samedi à 7h30, intercession. Dimanche, nous avons notre culte de bonnes nouvelles précédé de l'intercession à partir de 8h. Programme des secteurs. À partir de 16h30 lundi, secteur 40 maisons, Zout et centre-ville, nos bien-aimés se retrouvent chez Papa Olivier. Secteur SNCC et UCS, leur rencontre se fait à l'église. Secteur quartier mission 1, chez Papa Eric et Maman Fifi. Secteur quartier mission 2 et Chitourou, chez Papa Jules Niembo. Anniversaire. Nous invitons l'enfant Hérald Moudilo et Dodiniel Tchinkobo qui fêtent leur anniversaire. Gloire au Seigneur. Avant que l'on ne fasse passer le pasteur pour la prière, action des grâces. Maman Henriette remercie le Seigneur pour l'assistance de l'Église lors du deuil. Nous pouvons acclamer le Seigneur. La JPC se réunit ce soir à partir de 15h30. Nous invitons papa pour la prière. Alléluia. Amen. Nous voulons prier pour nos bien-aimés qui fêtent leurs anniversaires. Si vous aussi votre anniversaire en semaine, on a tout pas donné le nom. Approchez-vous aussi, on va prier pour vous. Oh, merde, voilà. Je te bénis. Voilà. Est-ce qu'on peut les encourager? De toute façon. Mais est-ce qu'on peut chanter pour eux? On peut chanter pour eux? C'est de bonnes habitudes. Voilà. Zala Leo. Voilà. Nous prions pour eux. Seigneur, merci pour tes enfants qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. En reconnaissance, ils sont venus dans ta maison. Tu es le Dieu qui sache protéger. Merci pour les années que tu leur as données. Merci encore pour les années qui restent. Seigneur, tout ce qu'ils vont rencontrer sur leur chemin, que rien ne soit impossible. Nous le recommandons entre tes mains, Seigneur. Qu'ils vivent tes grâces, tes faveurs dans leur vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut les acclamer, les encourager. Que Dieu soit béni. C'est toujours bien de fêter l'anniversaire. Les chrétiens n'aiment pas fêter. Devons fêter. La Bible parle de beaucoup de fêtes. Il y a beaucoup de fêtes. Dans la Bible. Ça fait partie de la vie. La vie ne doit pas être. Voilà. Amen. Amen. Pendant ce temps, je demande à nos amis de la technique. J'avais demandé au frère Sharon. Ça se trouve là. Ok. En attendant que je vous présente quelque chose par rapport à ce que je vous cite, je voulais recevoir mes enfants qui ont doté. Samy était gras. Hier, avant-hier, ils ont fait la dot. Ils ont doté. Maintenant, reste que le mariage est passé devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les enfants? Alléluia! Alléluia! Samy et Tegra, c'est vraiment les enfants de l'Ekodim. Samy na Tegra, ni batoto banatoka mu Ekodim. Banatoka Ekodim. La fois passée, mon épouse m'a montré les vidéos de Samy pendant qu'ils dansaient leur chanson là de l'Ekodim ici avec nos enfants. Oh. Et voilà, aujourd'hui il est ingénieur. Léon a quoi, ingénieur? Il travaille à Kamoa, sa femme a fini en économie. Elle a Kamoa, Mukawai Karisha, ma somme économie. Il est commercial à l'université. Université. Tegra, un mois donné, j'étais obligé à Moutosha pour Ekodim. J'ai fait partir Tegra des forces de l'Ekodim. Mais je pense que depuis qu'elle est partie à l'université sans être à l'Ekodim et sans être à la JPC. L'Ekodim, il est resté toujours là-bas. Diplôme, il était toujours là-bas du côté de l'Ekodim. Il a commencé l'université, dit non. C'est quoi ça, cette histoire? Bon, voilà, ce sont nos enfants. Ce sont les enfants vraiment de l'Église. Et je bénis le Seigneur. Ils nous honorent. Nous sommes fiers d'eux. Et je prie qu'ils soient bénis. Prochainement. Masiku ya mbele. J'ai dit à Samy que ça ne puisse pas traîner. Il faut aller vite aux élections. Il faut aller tout droit au point. Amen. Amen. Ok, pendant qu'ils rentrent à leur place, nous acclamons le Seigneur pour le pays. Alléluia. Amen. Il doit rentrer au boulot. Tu rentres aujourd'hui, Samy? Il doit rentrer. Atarudia au Kazileo. Kaj. kazi na bukuri bindaka pamoja. Alléluia. Ok. Je voulais d'abord remercier l'église pour tout ce que vous faites. Kwa ajili ya yote mko nafanya. Dieu ne nous demande pas de faire les choses faciles. Mungu atuombe kufanya vitu bila viko biepesi. Et généralement on n'avance pas avec Dieu seulement quand tout est cool. Mara mingi utendeke kumbele na Mungu kama biote biko naendeka vizuri. Ce n'est même pas un signe de dire que Dieu est avec toi. Aina ta alama ya kusema kama Mungu yuko pamoja na wewe. Difficile où Dieu nous demande certaines choses. Wakati ya magumu ndio Mungu anatuomba kwa vitu vingine. Et quand nous le faisons, la grâce de Dieu est sur nous. Na tukitimiza tena neema ya Mungu iko juu yetu. Dieu continue à nous bénir. Na Mungu anaendelea tena kutubariki. Nous avons commencé un travail et nous sommes toujours dans le travail d'évangélisation. Tungalipaka na kazi ya kupasha habari njema. L'année 2023, nous avons ouvert une église à Joli Site. Nous avons commencé un travail à Joli Site qui nous a conduit à ouvrir très rapidement l'église de Joli Site. Je crois que c'est la quatrième église que nous implantons. Différemment des autres églises. Enye kuachanishwa na makanisa ingine. Je me rappelle quand on a commencé ce travail. Nakumbuka wakati ile kazi ilianzishwa. Allez-y, pole pole. Sema muendeleye, pole pole tu. On va voir. Tutaona masiku ya mbele. Evangelist travaille quand même. Evangelist bendele kufanya kazi. En moins de deux semaines. Mo kadiri ya juma mbili tu. Nous étions obligés. Tuliweza kulazimishwa. Commencer l'église parce qu'on pouvait pas mettre plus de 100 personnes. Ya kwanja kanisa tulishinda kuchunga bantu yulu ya 100 babake bele vile. Aujourd'hui l'église c'est déjà l'église. Na leo ilishakuwa ni kanisa. Bien que jusque-là nous n'avons pas encore désigné des pasteurs. Ingawa tuyaweka mchungaji wa ile kanisa kule. Nous avons pris l'option de construire correctement. Tulisema kwanja tufanye majengo ya mzuri. C'est une église avec balcon qui est en construction. Ni kanisa inakuwa nafasi nyingine ya yule tena. C'est la source féconde ici qui continue à construire, qui commence à construire. Chemchem ya uzao ya huku inaendelea kufanya kazi ya majengo kule. Et Dieu nous a dit il faut le faire à l'entrée de la ville. Na Mungu alituambia tuijenge kwenye kingilio ya mji. Celui qui gère la porte gère la maison. Mwenye kuna chunguza au unachunga mlango unachunga nyumba mzima. Aina kwa bure wanaweka kitu kule kwa kiingilio ya mji. Mwenye kunaongoza mlango ndiye yeye tena kunaongoza nyumba mzima. Alleluia. Amen. Dieu nous a dit mettez l'église. Ngali tuambia tuweke kanisa kule. Nous avons commencé les constructions. Tulisha kuanza kazi ya majengo. Voilà, vous pouvez voir les images. Est-ce là ce n'est pas très visible? Voilà, nous avons des bien-aimés de l'église. Tukona wapendo wa kanisa. Du département de construction qui sont là. Wanashirikia kikosi ya majengo wanafanya kazi pale. On a mis la fondation. Tukaweka msingi. On a mis le radier, c'est-à-dire le sous-pavement. Ya hii ya chini tena. Et maintenant, je pense que dans les tout prochains jours, on fait la première ceinture. Hapa sasa tutafanya kile kia yulu tunaweka comme ça en étage il faut deux ceintures ça venir étage tufanya mapimo mbili et voilà là où est-ce qu'on en est muone pale tunafikia là on est en train de mettre les piliers je crois pale pe kunaweka manguzo pour le soutènement juu ya simamo le frère Sharon le frère Pacifique donc Sharon tunamuona Pacifique voilà, naye les gens qui sont mobilisés pour ça. Le bateau est tayari juu ya ile kazi. Toute l'équipe de construction. Na kikosi yote ya majengo iko pale. Ils sont nombreux. Wako wengi. Et nous bénissons le Seigneur pour leur dévouement. Na tunabariki Bwana kwa ajili ya kujitoa kwao. Alors pourquoi je vous montre ça? Kwa nini naonyesha picha hiyo? Pour vous encourager d'abord. Ya kuatilia kwanza nguvu. À continuer. Na kuendelea. Pour vous remercier déjà d'être arrivé à ce niveau, c'est déjà shukuru sababu tunafikia majengo ile kivu ni kazi mkubwa. Et après ça sera une preuve, nous irons un jour nous mettons nos pieds, nous mettons nos mains, nous levons vers le ciel et nous disons Seigneur, kisha tutenda kule kushukuru kumwambia Bwana asante. Tous ceux qui croiront au Seigneur passant par cette église. Bale bote bataamini Bwana kupitia kanisa ile. Que la grâce de Dieu touche cette église. Neema ya Bwana ipate kugusa kanisa yetu. Alléluia. Amen. Donc c'est important en montant, vous allez voir l'église source féconde. Takupanda mtaona kanisa chemchem la uzao. Et déjà dans une et dans un endroit, et mais là, nous voulons construire une église selon les règles de l'art. Kadiri, kazi ya ufundi. Et c'est important. Na, lazima kabisa. Voilà pourquoi je vais solliciter la contribution de chacun. Ni koma ni lomba, changizo ya kila moja wenu. C'est important dans l'œuvre de Dieu. Ni lazima kabisa, mukazi ya Mungu. De savoir faire certaines choses pour Dieu. Kuyo kutenda vitu vingine kwa ajili ya Mungu. Dans la vie. Mumaisha, il n'y a rien sans sacrifice. Hakuna kitu bila matoleo. Il n'y a rien sans sacrifice. Hakuna kitu bila matoleo. Même pour terminer les études, chacun connaît les sacrifices. Hata kwa ajili ya kuisha majifunzo, kila mtu anajua matoleo aliweza kufanya. Dieu lui-même, il s'est sacrifié. Hata Mungu mwenyewe anaweza kujitoa. Alileta mwanaye Yesu. Pour que Dieu bénisse Abraham. Ili Mungu ambariki Ibrahimu, aliweza kutoa mwanaye tena. Ni kanuni ya kiroho. Tutaanza pa kutoa kila wakati. Si tu ne fais pas des sacrifices dans ta vie. Kama upende matoleo maisha yako. Il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais. Kuko matu wengine hautefikia kamo. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais faire deux choses. Napenda kufanya mambo mbili. La première chose c'est une souscription personnelle. Kitu ya kwanza ni mtu mwenyewe andikishe hata ujamle wake. Pale huko nyanyula mkono yako. Tu viens prendre l'enveloppe. Et Micheline vient avec nous. Unakuwa kubeba bahasha. Tu fais, nous voulons des gens qui peuvent de plein gré. Tunapenda mtu anaweza kuleta bila usukumo kwa kupenda kwake. Unaandikisha. Pale huko kama unapenda nyanyula mkono yako kila mwezi. Utaweza kuweka hata tarehe yenyewe. Yana on a mis il y a tu vas écrire sur la souche que tu vas nous remettre, tu vas garder ta souche. Utandika ile sehemu utabakia nayo. Selon ce que Dieu te mettra. Kila mwezi kadiri vile Mungu atakushika moyoni mwako. Voici ce que sera ma contribution. Hii changizo yangu itakuwa ya hivi. Et ça me permet moi de prier pour vous. Itaniruhusu na mimi kwanza kuombea. Aussi à la commission. Itaruhusu tena kwenye kikosi ya majengo. Nous allons vous désigner soit de les voir soit de me voir. Hata utawaona au utaona mchungaji. Pour déposer cette souscription. Je wache hii karatasi yako. Si vous êtes là, kama utana katikati yetu pale huko. Nyolosha mkono yako tuwapatia bahasha mawili. Chaque mois. Na kila mwezi. Vous allez faire ce vœu là au Seigneur. Utaanza kutimiza ile kiapo mbele ya Bwana. Se souvenir de vous. Na Mungu apate kukumbuka. Les travaux que nous faisons. Na tuendeleshe na kazi ile tuko nafanya. Merci. Merci. Le protocole peut. Nyanyula mkono yako. Walinda amani mupite. Protocole. Walinda amani mkaribie, mkaribie. Deborah vient aussi, on gagne le temps. Toi tu es de ce côté pour tous ceux qui lèvent la main. Leo tanyoneja mkono yake, mpatie bahasha. Levez la main, levez la. Nyanyula mkono pale huko. OK. Rapidement. Ifanye kwa haraka, kwa haraka. Tout ce que Dieu te mettra à cœur pour cette église. Ile yote Mungu atakushika moyoni mwako. Nous voulons ensemble. Tunapenda wote pamoja. Bâtir cette œuvre. Kujenga kazi hiyo. Nous voulons ensemble bâtir cette œuvre. Vous savez, même dans le désert, Dieu a demandé à Israël. Hata mujangwa Mungu aliomba kwa Israeli. Levez la main. Bafanya kunyanyula mkono pale huko bakuone. Levez la main rapidement. Nyanyula mkono pale huko. Nyanyula mkono yako. Kama uyapata bahasha hapa nashusha mkono yako. Écrivez juste le montant. Andika paka hesabu ya fedha ile utaleta. Vous nous renvoyez la souche. Watutumia sushi yake. Levez la main. Nyanyula mkono yako. Levez la main. Nyanyula mkono. Qui d'autre? Il me reste encore trois enveloppes. Pendant ce temps, j'appelle la financière de la commission. Maman Michou, venez. Venez voir. Soit vous me voyez, moi, soit vous la voyez. Qui d'autre me laisse encore trois enveloppes? Levez la main. Leta kungambo ya baimbaji basha. Que Dieu vous bénisse. Bwana amibariki. Voilà, donc vous pouvez me voir. Unaweza kumuona mchungaji. Vous la voyez. Vous lui remettez l'enveloppe. Unaweza kumuona kisha unarudisha basha. Et va me remettre les sous pour que chaque mois que je sache c'est telle personne qui a souscrit à autant. Atarudisha. Ça permet de planifier le travail. Kuna turusu kuweka usawa ndani ya kazi yetu. Il me reste encore une enveloppe. Unabakia basha moya. Qui sera la dernière personne qui va prendre cette enveloppe? Nana tabeba basha ya mwisho. Ok, donnez à maman Lydie. Ok, trouvons aussi une autre enveloppe pour donner au papa. Rapidement, Albert. Même quand vous partez voir la maison, si Dieu vous met à cœur, appelez le frère Albert. Et tantôt qu'Albert, vous venez carrément à l'église. Merci maman Michou, vous pouvez rentrer à votre place. Maman, nous avons dit. Vous remplissez bien. On a fait une case de visuri. Andika visuri. C'est terminé, j'ai mis main. C'est fait. Dada, c'est terminé. Ok. Maintenant, je vais passer à une autre étape. Je voulais que les différents départements nous puissions nous appliquer aussi. C'est mieux que les départements nous puissions travailler pour nous. Alors, je vais appeler les départements. Taita vikosi mbalimbali. J'ai fixé les montants par département. Niliweka fedha kuleta kufuatana na kila département. Okay. Les mamans de l'éducation chrétienne, les deux responsables. Wa mama Mama Laetitia Mar Berenice. Nous attendons votre contribution. Tunachunga changizo yenu. Nous voulons vraiment que Dieu puisse vous aider. Tunapenda Mungu awasaidie. Marchez vers Dieu, que la bénédiction de Dieu marche vers vous. Amen. Amen. Les papas de l'éducation chrétienne. Baba ou éducation chrétienne. Ils sont où? Venez prendre. Baba kuya beba basha. Que la grâce de Dieu aussi marche vers vous. La JPC. JPC. La JPC. JPC. L'Ecodim aussi, même nos enfants. Ecodim nayo. Ecodim. David, il est où? Il a l'Ecodim. Bon, que je garde pour lui. Les mamans. Wa mama. Et les papas aussi de l'église. Na wa baba pia. Les papas. Wa baba. Les papas sont où? Gracien où? Je l'ai vu. Il est où? Viens. Avec l'équipe des papas. Vous allez vous mobiliser. Utajiweka fasi moja. On ne dit pas jeune papa, on dit papa. Il n'y a pas de jeune papa, est-ce mon papa? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et Codim, je garde pour eux. Voilà, c'est un travail que nous faisons. Ni kazi ile tuko nafanya. Ça sera une fierté. Itakuwa fieri kwetu. Pour l'église sous féconde. Kwa ajili ya kanisa yetu ya chemchem la uzao. La Bible dit que la grâce en se multipliant. Biblia nasema wakati neema inajumlishwa. Abonde les actions de grâce. Ikunaongeza tena matendo ya shukrani. Dans les souches que vous avez reçues, on a mis Esdras chapitre 10 verset 4. Wele souche parakuwa andiko ya Esdras 10 4. On dit lève-toi car cette affaire. Anasema simama sababu hii mambo nayo inakuelekea. Ça nous concerne nous tous. Inatuelekea sisi zote. Fais ce que tu peux faire. Fanya gisi unaweza kufanya. Tu as un camion de sable, tu as uko na mchanga, uko na block ciment. Uko na ferron. Je connais pas très bien les dimensions, il semble qu'il y a des 6, des 12, des 4, c'est pas des 8. C'est ça? OK, venez nous voir et déposer ces choses-là. Kuyaleta maneno hayo. L'église. Itatusaidia kwa kanisa. Amen. Amen. Et dans les prochains jours, kama siku ijayo, sur place pour tutenda pale kwenda kuona. Nous avons un programme de Pentecôte qu'on appelle chambre haute. Tukona matengenezo ya Pentecosta tunaita chumba cha juu. Vendredi 31 nous avons une veille de prière. Siku ya kazi tano tunakuja na makesha ya maombi. Comme je dis, c'est vraiment une veillée de prière. Tunasema hakika ni makesha ya maombi. Commençons à 22h. Tutaanza na saa ya 22h. Jusqu'à 5h du matin. Tutaomba mpaka asubuhi mapema na 5h. Et samedi, nous nous retrouvons le soir. Namoposho takutana mangaribi. Prière, dimanche prière. Kuomba tena. Le 8 juin. Paka mtare. De la Pentecôte. Nane ya mwezi ya sita, siku ya Pentecosta. À la veille, nous aurons 4 interventions. Tutakuya kule na kazi ine. Samedi, nous aurons 2 interventions. Mposho. Dimanche, le pasteur Samuel. Mchungaji Samueli Tanzania prend wa Tanzania atanja muyenga c'est le 1er juin utare ya kwanza ya mwezi ya 6 odi siku ya 3 le 4 juin utare ine mwezi ya 6 kuna kwa nabii Barak naye atabeba tena kuna kwa tena nabii Jado naye atafanya kazi voilà le programme ile ndio matengenezo nous allons prier jusqu'à la Pentecôte tuta endelea kuomba paka siku ya Pentecosta na 10 jours kadiri ya siku 10 Yesu vile walitifungia msiku 10 na roho ya Bwana ili watembelea tuiname wote malombi tunafika kumwisho penda tuombe mudakika kabla sisi kuachana penda tena tuombe. Bien-aimé, j'aimerais que tu remercies le Seigneur. Apana penda sasa ushukuru Bwana. Que Jésus qui peut changer ta situation. Ni paka Yesu anaweza kubadilisha maisha yako. Il n'y a que Jésus. Ni paka Yesu. Alléluia. Et il est prêt ce matin. Na yuko tayari tena asubuhi ya leo. Il est prêt. Hakika eko tayari. Il est prêt ce matin. Eko tayari.